Corrigez, que rien ne vous arrête. Un peuple, l'armée vous attend. Allez, allez sur vos remparts, arborez cette tête, le présage assuré d'un triomphe plus grand. Allez, allez sur vos remparts, arborez cette tête, le présage assuré d'un triomphe plus grand.